Et bonjour à toutes, c'est reparti pour une tranche de Disco Funk, votre rendez-vous du samedi que j'espère vous attendez tous. On commence par la découverte du jour. Alors, la découverte, c'est la pépite de la semaine dernière, si vous avez suivi. Robert Brooking et son titre « Are You Bad Enough » qui va avoir l'honneur du jour. Alors, c'est pas vraiment un inconnu pour vous, car il a fait partie du groupe Earth, Wind & Fire, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Et il a aussi collaboré avec George Duke et Stephanie Mills et The Whispers. Il est né en 1962 en Californie. Il connaît une activité intense durant les années 80 et plusieurs singles dont Where is the Love en duo avec Stephanie Mills feront les beaux jours des hit parades. L'extrait choisi est tiré de l'album In the Night paru en 1986. C'est d'ailleurs le même album qui a vu l'extrait la semaine dernière en pépite, Our Life pour les autres. C'est parti pour l'écoute. Be good. Alors aujourd'hui, pour nos 100 hits, direction Van McCoy and the Soul City Symphony avec leur titre The Hustle. Depuis le twist, les danses de couple ont perdu pas mal de terrain. Pourtant, c'est une danse de couple qui deviendra la plus emblématique du disco, le hustle. Élégante, se rapprochant des danses de salon, elle dérive des danses que pratiquent les immigrés cubains et portoricains sur la salsa. Le DJ de l'Adams Apple à New York, David Todd, supplie Van McCoy depuis un bon moment de venir voir cette nouvelle danse qui fait sensation. Occupé à travailler sur son album, Van McCoy envoie un soir son collaborateur qui revient plus tard avec deux danseurs qui lui font une démonstration. Van McCoy apprécie et trouve le temps de composer et arranger un titre qu'il enregistre dès le lendemain. Il n'a pas perdu de temps. Pour créer un arrangement sensuel idéal pour les couples sur la piste, il s'inspire de Love Theme de Barry White. Il superpose plusieurs mélodies jouées tour à tour par une flûte, un xylophone de métal, des cuivres et des cordes. Sur le pont, une trompette au son classique se lance avec emphase dans une mélodie suave. Tout est vraiment agencé pour provoquer le désir de trouver son ou sa partenaire de danse. Les déclinaisons du hustle seront légion, Spanish, américain, Harlem, tango. Et dans le film Saturday Night Fever, un couple de latinos danse le hustle sur KG de The South Soul Orchestra. Alors c'est un personnage important et prolifique de la soul. McCoy par contre est injustement réduit à ce tube. On va découvrir ça maintenant. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Le maxi du jour, c'est pour un groupe que l'on a déjà écouté plusieurs fois, j'ai nommé Sky. Le titre, eh bien, c'est Disco Dancing, un son bien né 80. Alors, je vous rassure, et pourtant, il figure sur la face B d'un titre sorti en 1979, This Groove is Bad, extrait de l'album Sky, leur premier. Du coup, on change vite fait de rubrique et on passe à la phase B. C'est si bon, j'adore ce que tu fais. Ne t'arrête pas, je t'en supplie. Danse, danse, ne t'arrête pas, je t'en supplie. Ne t'arrête pas, c'est si bon. C'est si bon, avec la cadence, avec la cadence. Vous avez entendu le message subliminal au fond, il faut danser, il faut danser. C'était la petite parenthèse. Alors pour le coup, on va vraiment passer au maxi. Un petit BBQ and the Band, ça vous dit ? on va s'écouter un truc génial car il s'appelle Génie. Extrait de leur dernier album, du même nom d'ailleurs, le titre sort en 1985. Cette même année marque la fin du groupe, mais il y aura quand même quelques bons titres dont Génie fait partie. Bon, c'est quand même pas au même niveau que On The Beat, mais ça se laisse écouter. C'était en 1985 et ça donnait ça. You. D'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On arrive au terme de notre rendez-vous et il est temps de passer à la pépite. Ça fait un bail qu'on n'a pas écouté un Village People et en pépite en plus. Sorti en 1982. Le morceau In the Streets est extrait de l'album Fox on the Box. Ce sera le seul extrait d'ailleurs. C'est aussi l'avant-dernier album à sortir avant Sex Over the Phone. Faudra d'ailleurs que je vous fasse un de ces quatre, la saga du groupe, lors d'une prochaine émission. Bonne dégustation. Voilà, on va se quitter sur ces notes. Je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine. Même heure, même endroit. Bye bye.